Chapitre 2e, l'abbé. C'est fini. Après une dernière et lamentable scène, j'ai pris un grand parti et je suis retourné chez mon avoué. Il a signifié à M. Laguépierre mon intention bien arrêtée d'obtenir une séparation, soit à l'amiable, soit devant le tribunal, et il l'a invité à se trouver avec moi dans son étude. Hier, à l'heure indiquée, mon mari a daigné obtempérer à cette invitation. J'étais déjà assise dans le cabinet de l'avoué. Lorsque de Laguépierre a fait son entrée, ganté de frais et vêtu d'un pantalon gris perle. Il y avait 8 jours que nous nous étions vus. Depuis notre dernière querelle, il passait nuit au cercle et ne rentre au logis qu'à l'heure où je sors. Je l'ai trouvé encore plus poseur et plus ridiculement matamor que d'habitude. Tout d'abord, il s'est rebiffé et a refusé formellement de se séparer de moi, s'écriant qu'il m'adorait et que je ne lui rendais pas justice. J'étais une femme charmante avec tout le monde, excepté avec lui qui s'était toujours sacrifié à mes intérêts et ne pouvait vivre sans moi. Du reste, a-t-il ajouté avec aplomb, en se méprenant sous mon silence et sur celui de l'avoué, jamais un tribunal n'accordera cette séparation. On n'a rien à articuler contre moi. Ma vie est pure comme celle de l'enfant au berceau. Pour toute réponse, l'avoué a mis sous les yeux de cet innocent au berceau un dossier de pièces accablantes. Les lettres peu édifiantes qu'il m'a écrites et d'autres épîtres à lui adresser, relatant certains incidents qui ne sont pas à sa louange. En guise de conclusion, l'officier ministériel a terminé par 2 ou 3 mots bien sentis, articulés très froidement, très sèchement, et desquels il a résulté que pas un tribunal n'hésiterait à prononcer la séparation à mon profit. Ce petit discours a visiblement rabattu le caquet de Lancelot de Laguépierre. Son nez s'est allongé, ses façons se sont assouplies et il a changé de gamme. « Du moment que vous en êtes convaincu, monsieur, » a-t-il répondu avec un accent mélancolique, « je n'ai plus qu'à m'incliner devant l'opinion d'un homme aussi compétent que vous. Je me soumets. Mais madame regrettera amèrement ce qu'elle vient de faire. Je suis une victime, j'en ai toujours été une, et un jour on me rendra justice. » Bref, après force protestation, après une enfilade de phrases déclamatoires sur son honorabilité, sa vertu, son abnégation, il a consenti à poser sa signature au bas du compromis préparé par l'avoué. Au terme de cet acte, il reconnaît mes droits à demander une séparation, m'autorise à vivre où bon me semblera, et s'engage à me servir une pension mensuelle de 300 francs. Une fois la pièce signée en double, il s'est retiré la tête haute, sans daigner me regarder, déclarant à l'avoué qu'il était enchanté d'avoir fait sa connaissance et l'assurant de sa haute estime. Quel sinistre comédien ! M'a dit ce dernier en refermant la porte sur le dos de M. Laguépierre. Enfin, nous avons ce que nous voulions, et cette autorisation de quitter le domicile conjugal nous servira de preuve contre lui, dans le cas où nous serions obligés d'avoir recours au tribunal. Maintenant que le plus fort est fait, il me reste à chercher un appartement point trop cher et à me mettre en quête d'une situation qui me permette de gagner mon pain, car je n'ai qu'une médiocre confiance dans l'exactitude de M. Laguépierre. Et puis, il me semble que l'argent de cet homme me brûlera les doigts. Je songe à tout cela, assis sur ma chaise basse, devant un petit feu de pauvre, allumé avec un restant de bois de l'autre hiver. Nous sommes en octobre, le temps est humide, et ce premier feu, si modeste qu'il soit, me sert de compagnie. Au dehors, la pluie pleure contre les vitres, et le vent d'ouest soupire sous les portes une chanson d'une tristesse lamentable, peu propre à me redonner du courage. J'appuie mes coudes sur mes genoux, j'enfonce mon front dans mes mains, et je regarde avec envie Mititi, mon chat jaune et blanc, qui pourlèche sa patte et la passe béatement sur son oreille. Tout à coup on sonne, et Naniche vient m'annoncer qu'il a là un monsieur le curé qui demande à me parler. Je ne suis pas en humeur conversante et de plus, étant peu dévote, j'ai certaines préventions contre le clergé en général. Toutefois, comme Naniche assure que ce curé a l'air brave homme, je cède autant par curiosité que par déférence, et le visiteur entre en ébauchant ce salut, moitié inclinaison de tête et moitié révérence, qui est particulier aux gens d'église. En effet, cet ecclésiastique a une figure avenante et bien qu'il frise la 60aine, il y a encore dans ses petits yeux bleus une vivacité aimable. Son front peu élevé, mais intelligent, n'a pas une ride. Il est ombragé par une forêt de cheveux gris argent, ondée et comme moirée. Sa bouche épaisse et ferme a les tons purpurins d'un bigarreau. Elle fait la moue, mais une bonne moue indulgente et accommodante. Son nez est tout de même un poème, court, avec une narine plus longue que l'autre, qui le fait paraître légèrement de travers, et a une expression naïve, gourmande et presque folâtre. Tandis que debout, la main appuyée au dossier de ma chaise, j'examine le visiteur, il m'apprend qu'il est l'abbé Micot. Et alors je me rappelle avoir déjà entendu prononcer ce nom par M. Laguépierre, qui, en bon gentilhomme poitevin, bien pensant, a été élevé au séminaire. Après s'être nommé, l'abbé ajoute qu'il est prêtre habitué de l'église Saint-Séverin et répétiteur à l'école Bossuet. Je flaire immédiatement un ambassadeur envoyé par mon mari, et cela me met en défiance. Néanmoins, ayant poussé un fauteuil vers lui, je le prie poliment de s'asseoir. Il obéit, s'assied en écartant sa soudane, un tantinet râpé, pose son chapeau sur ses genoux, et après avoir fourragé dans ses cheveux, m'avoue avec bonhomie que M. Laguépierre, son ancien élève, lui a confié le secret de nos dissentiments intérieurs, que mon mari lui a paru fort navré de cette séparation imminente, et qu'en sa qualité de prêtre, il a cru devoir tenter près de moi une démarche toute de paix et de conciliation. Mes sourcils se froncent et se rejoignent. Je sens que je prends mon air tragique, mais je garde mon sang-froid et je me borne à faire de la tête et de la main un geste énergique et expressif. L'abbé pousse un soupir et secoue sa chevelure d'Absalom. « Voyons, continue-t-il, chère madame, avez-vous bien réfléchi? C'est chose grave que le changement d'existence que vous méditez. À votre âge, il est triste de vivre seul. Et puis, avez-vous songé à ce que dira le monde? À tort, j'en conviens. Mais enfin, peut-être vous reprochera-t-on de n'avoir pas tout fait pour amener votre mari. À ces mots, je me lève brusquement. « Si c'est mon mari qui vous envoie, dis-je avec vivacité, vous pouvez lui annoncer que ma résolution est irrévocable. » Là-dessus, j'écarte ma chaise pour bien faire comprendre que je ne me soucie pas de prolonger l'entretien. Mais l'abbé demeure installé dans son fauteuil et me regarde d'un air contristé et obstiné à la fois, de sorte que je reprends, en accentuant chacun de mes mots d'un geste nerveux. « Il ne me reste plus, monsieur l'abbé, qu'à vous remercier. C'est votre état de chercher à prêcher la paix. Mais avec moi, vous perdriez vos peines. Mon parti est pris. Allons, allons, fait-il en se levant. Ne nous fâchons pas. Ne nous fâchons pas. Vous m'intéressez bien que vous n'ayez pas l'air commode. Permettez-moi de revenir vous voir quelquefois, ici ou dans votre nouvelle demeure. Je sais que vous cherchez une position de lectrice. J'ai été moi-même précepteur dans de grandes familles avec lesquelles j'ai conservé d'excellentes relations. Je pourrais peut-être vous être utile. Je reviendrai en causer avec vous. Et puis nous parlerons un peu du bon Dieu, et cela vous fera du bien. Je ne suis guère dévote, monsieur l'abbé, et une place de lectrice me ferait plus de bien encore. Ma chère fille, il faut vous fier à la divine providence. Elle ne m'a jamais envoyé que des peines, dis-je d'un ton boudeur. Il faut la prier, reprend-il en soupirant, et lui demander d'abord la résignation. Je m'en récris violemment. La résignation! Je ne lui demanderai jamais cette vertu-là. Je ne la comprends pas, et je n'aime pas les gens qui se résignent. L'abbé écarquille les yeux et me contemple avec une expression de commisération qui achève de m'agacer. « Et vous voulez vivre seul, avec une nature comme la vôtre ? » réplique-t-il, ébaubi, et en se reculant. « Ah, ma pauvre enfant, vous m'effrayez, et malgré vos idées fausses, vous excitez tristement ma sympathie. Je reviendrai vous voir. » Je répète, d'un air embarrassé, « Monsieur l'abbé, je vous suis bien reconnaissante, mais je crois que votre temps est précieux, et il est inutile que vous le dépensiez en pure perte. Pourquoi en pure perte ? C'est que, si vous venez me voir avec l'intention de me ramener en dessous à vos idées, j'aime mieux me priver de vos visites. » Le nez de l'abbé fit une grimace, sa bouche de cerise se contracte, puis s'élargit, et finalement il se met à rire. « Rassurez-vous, nous ne forçons personne, la dévotion vous viendra toute seule. » Elle me viendra, elle me viendra. » Et je secoue la tête à la façon des enfants grognons. « Elle me viendra quand le bon Dieu pourra d'abord envoyer un peu de bonheur. » « Du calme, de la patience, » repent-il en me tapant doucement sur le bras. « Je vais m'occuper de vous et tâcher de trouver une position qui vous donne une indépendance relative, ma chère enfant. J'en ai trouvé pour d'autres et je réussirai. Je l'espère également pour vous. Bon courage et à bientôt. » Il salue et disparaît derrière les plis de ma portière de reps bleu fané. Dès que j'entends la porte de l'antichambre qui se referme, je donne un libre cours à ma mauvaise humeur et je murmure « Un brave homme, c'est possible, mais il m'assomme. Est-il tenace avec ses visites et qu'ai-je besoin d'un abbé chez moi ?» Tout en grognant, j'époussais avec fureur le dessus de ma cheminée. La vue de mon porte-monnaie très plat, posé sur le velours usé de la tablette, me ramène à des idées plus calmes. Je réfléchis que, malgré ses belles promesses, M. Laguépierre me servira mes 300 francs d'une manière très fantaisiste, que je ne possède en propre qu'une rente de 2000 francs, à laquelle, heureusement, Lancelot n'a pu toucher car elle est inaliénable, et qu'enfin, je ne puis compter sur ma famille du Chanois qui s'est saignée à blanc pour me marier. Il faut donc absolument que je me crée des ressources. Or, cet abbé prétend avoir de belles relations et grâce à lui, je pourrais peut-être dénicher le merle blanc, c'est-à-dire une bonne place de lectrice chez quelques vieilles dames. Décidément, l'abbé Micot est un homme aménagé. Tandis que je rumine toutes ces choses, je m'aperçois que mon huit est mal équilibré. Je retire quelques épingles, j'enlève mon peigne, et posé devant la glace, les bras en l'air, le chignon à demi déroulé, je me hâte de me recoiffer. Dans le champ du miroir, ma figure se reflète, sérieuse et mélancolique, pâle dans le floconnement de mes cheveux châtains, avec deux grands yeux sombres, très cernés. « Comme te voilà faite, ma pauvre Geneviève, » me dis-je à moi-même, « ces 7 ans de mariage ne t'ont pas embellie. » Et tout à coup, je m'aperçois que la glace me renvoie, indépendamment de la mienne, une autre image inconnue, un visage masculin, avec des yeux bruns clairs et des cheveux ébouriffés en tête de loup. Je me retourne, ébahi, indigné d'être surprise décoiffée, je crie « Que voulez-vous ? C'est insupportable, on n'entre pas ainsi chez les gens !» La tête de loup balbutie des syllabes mal articulées, et je reconnais M. Pascal, le second clerc de Maître Plumerel. Il émerge des plis de la portière, tenant dans ses doigts crispés son feutre et un rouleau de papier. Il finit par m'expliquer qu'il me rapporte mes pièces, et qu'il est entré au moment où l'abbé sortait, et que n'ayant trouvé personne pour l'annoncer, il s'est avancé à l'aventure jusqu'à la porte de la chambre. Le pauvre garçon est si interloqué qu'il a 2 pouces de rouge sur son visage hâlé. J'ai pitié de lui, et après avoir ajusté mon chignon, je m'efforce de dissimuler ma mauvaise humeur et je lui montre un fauteuil. Pour y arriver, il bute contre un tabouret, manque de renverser un guéridon. Enfin, le voilà assis et fort embarrassé de ses jambes. Je prends les papiers et comme il y a un reçu à donner, je vais les rédiger à mon bureau. J'ai honte de mon emportement et j'engage la conversation avec le clerc afin de lui montrer que mon second mouvement vaut mieux que le premier. « Vous n'êtes pas à Paris depuis longtemps, monsieur ?»« Non, madame, » répond-il. Il ajoute avec une brusquerie un peu gauche. « Cela se voit, n'est-ce pas ?»« Je n'ose pas dire que oui. » Je souris légèrement et je lui demande de quelle province il est. « De la Bourgogne, de Grancey, un village perdu dans les bois. » La façon dont il prononce le nom de Grancey et dont ses yeux s'éclairent, on sent qu'il aime son village. C'est ainsi que je m'anime moi-même lorsque je parle du Chanois. Et cette ressemblance me rend mon interlocuteur plus sympathique. « Je parie que vous aimez la campagne, » lui dis-je. Oh, « Oui, madame, il y a des moments où j'ai comme le mal du pays. »« Comment avez-vous quitté vos bois pour vous enfermer dans cette horreur d'études d'huissier ?»« Ah, voilà !» réplique-t-il avec un demi-sourire en écrasant son feutre dans ses doigts tachés d'encre. « C'est que je me suis mis en tête de devenir musicien, et pour cela il fallait venir à Paris. » J'étais élevé par un maître d'école alsacien qui était fou de musique et qui m'a appris sur le piano tout ce qu'il savait. Quand il a été au bout de sa science, il m'a dit « Tu dois aller à Paris, c'est là seulement que tu te perfectionneras, car tu as des dispositions. » Alors je n'ai plus qu'une idée, partir. Seulement ce n'était point chose facile. Pourquoi ? Parce que je suis le second de 6 enfants et parce que mes parents, qui sont de petits cultivateurs, reculaient devant la dépense. Et comment vous y êtes-vous pris ? Demandai-je en commençant à m'intéresser à son histoire. Le plus difficile, c'était le trajet. Nous avons bien un chemin de fer qui passe à Is-sur-Tille, mais ça coûte environ 24 francs dans les 3e pour venir jusqu'ici, et mes économies montaient en tout à 50 francs. Alors j'ai cherché un moyen de voyager gratis. Et vous l'avez trouvé ? Oui, répond-il tout fier. Voici. Chez nous, les éleveurs envoient leurs bœufs à Paris par des trains spéciaux. Sous la conduite de 2 domestiques, qui accompagnent les bêtes jusqu'au marché de Poissy et qui jouissent du parcours gratuit. je me suis arrangé avec un fermier du Mont-Saint-Jeanet pour remplacer un de ses conducteurs et de cette façon, je suis venu à Paris sans bourse déliée, dans le train des bœufs. Vous ne voyagez pas tous dans le même compartiment ? Il se met à rire. À peu près. Mais bah, je m'en moquais bien. J'avais endossé une blouse, une biode, comme on dit chez nous, et avec ma limousine sur les épaules, je me gossais du vent. Je me pensais, Paris est là-bas, tu vas le voir, et entendre de la musique pour de bon. Ça me tenait chaud au cœur et partout. Ses yeux limpides s'illuminent. En ce moment, malgré sa gaucherie rustique, sa redingote coupée par le tailleur de son village, son pantalon de treillis et ses grosses chaussures de roulier, je le trouve presque beau. Accoudé à la cheminée, une main dans mes cheveux, je m'oublie à l'examiner tout en poursuivant mon interrogatoire. Et une fois Paris, qu'avez-vous fait ? Ah, dame, ça n'a pas été sur des roulettes. Songez que pour tout magot, j'avais un peu moins de 50 francs. Il a fallu trimer. Heureusement, j'avais travaillé à Grand-Seix chez un notaire qui connaissait Maître Plumerel, et celui-ci m'a pris sur sa recommandation. Il me donne le pain et le vin du déjeuner, plus 40 francs par mois, et il me permet, trois fois la semaine, d'aller prendre des leçons d'harmonie et de composition chez un professeur du conservatoire. Cela coûte cher, les leçons, assez, mais j'ai encore une corde à mon arc. Le soir, j'expédie les grosses des jugements à signifier. C'est un travail qui me paye à part. Je me rappelle les écritures des deux acharnés de l'étude. Ce doit être quelque besogne analogue. Et cela vous rapporte 3 ou 4 francs par soirée, quand l'ouvrage donne. J'ai la langue levée pour lui demander « Est-ce que je ne pourrais pas en trouver affaire, moi, de ces copies ?» Une fausse honte me retient et je reste la bouche entrouverte sans oser articuler ma question. Nous nous regardons silencieusement. Il devine que j'ai encore quelque chose à dire et il attend, toujours pétrissant son feutre. Enfin, je me décide à renouer l'entretien. « Monsieur Pascal, c'est votre nom, je crois. »« Oui, madame, Pascal No. »« Je vous ai rudoyé à votre arrivée. Pardonnez-le-moi, j'étais nerveuse. » Et pour me prouver que vous ne me gardez pas rancune, faites-moi un peu de musique. En même temps, j'ouvre le piano. Il ne se fait pas prier et s'assied sur le tabouret, non sans avoir au préalable accroché le tapis avec les clous de ses souliers. Il essaye un moment l'instrument. « Je vais vous jouer un de mes petits airs, » murmure-t-il d'une voix étranglée. Il commence très doucement. C'est une sorte de romance rustique sans paroles, d'une mélodie très simple, en mineur, et dont le rythme, tantôt traînant, tantôt précipité, rappelle les chansons paysannes. Je l'écoute, surprise. Dans cette musique peu compliquée, il y a quelque chose de sain, de large et de fortifiant. On y sent l'odeur des prés fauchés et des blés mûrs. On croit entendre le long meuglement des vaches dans les pâtis et les rappels mélancoliques des pâtureaux à la tombée du soir. Je ferme les yeux et j'ai tout à coup comme une vision de mon chanois. Les parfums, les rumeurs de mon village m'arrivent par bouffées. Le glouglou du ruisseau qui longe la grand-rue et où les bêtes vont boire. La senteur des chènevières de la fosse des dames. Le bourdonnement des batteuses et l'éclatement de fouets des laboureurs poussant la charrue. Les huchements des femmes et des enfants qui vont à la faine dans les bois roussis par l'automne. Toutes ces impressions ressuscitent et me ressaisissent à mesure que les notes vibrent sous les doigts de Pascal No. Je suis si ému que mes yeux se mouillent et que lorsque le clair reste silencieux après l'accord final, je ne trouve pas de parole pour le remercier. Embarrassé de mon mutisme, il se lève gauchement. « Je m'oublie. Il faut que je retourne à l'étude, » balbutie-t-il en se balançant comme un ours qui tient un bâton. Je lui tends la main. « Merci, monsieur Pascal. Votre musique m'a fait du bien. C'est beau. Vous avez un vrai talent. Bon courage. » Il soulève la portière et s'éloigne lourdement. Je me reproche de ne pas lui avoir suffisamment exprimé mes remerciements. Qui sait si je le reverrai jamais? Le piano est encore tout vibrant, et dans la chambre il reste comme une résonance des bruits de la vie campagnarde, brusquement évoquée par ce musicien sauvage et original.